Je vous montre des objets et il faut faire ce que je dis. Tsezig tsutsunem ararganer, yev betkevorenek inchvor tsezigesem. Tsezig tsutsunem ararganer, yev betkevorenek inchvor tsezigesem. Prenez. Arrête. Arrête. Donnez-moi les lunettes. Agnotze inzi dur. Agnotze inzi dur. Mettez le crayon sur l'enveloppe. Madide baharanim vraterek. Madide baharanim vraterek. Retournez le verre, puis prenez les ciseaux. Tartsur kavate yev megrade ar. Tartsur kavate yev megrade ar.